soyons gentils. Les vies qu'on sauve quand on sauve des vies. Faut donner de l'argent à ceux qui ont froid. Donner du temps à ceux qui n'en ont pas. C'est si facile d'être un mec bien. Pas difficile de donner un rein. Donner son sang, son foie ou son œil. Pour sauver les gens, les arbres et les chevreuils. Faut savoir aimer tous les gens autour de soi. Si le don est forcé, quel intérêt pour celui qui reçoit. Aimons-nous, aidons-nous, et le monde sera moins fou. Aimons-nous, aidons-nous, et il marchera sur ses roues. Faut aimer les humains, les fleurs et les bestioles. Tous ceux qui sont sains, même tous ceux qui sont folles. Si tu es un oiseau, tu le verras peut-être s'envoler tout là-haut et te chier sur la tête. Il faut savoir aimer tous les gens autour de soi. Si le don forcé, quel intérêt pour celui qui reçoit. Aimons-nous, aidons-nous, et le monde sera moins fou. Aimons-nous, aidons-nous, et il marchera sur ses roues. Partager au moment de mourir, tu seras moins fâché de devoir partir. Dieu te dira, tu es un mec bien, mais si il n'existe pas, t'auras fait tout ça pour rien. Il faut savoir aimer tous les gens autour de soi. Si le don est forcé, quel intérêt pour celui qui reçoit. Aimons-nous, aidons-nous, et le monde sera moins fou. Aimons-nous, aidons-nous, et il marchera sur ses roues.